une bévue que je vois commettre sans cesse à ceux qui se laissent mener par des maximes générales, c'est d'appliquer les principes d'une manufacture d'étoffe à l'édition d'un livre. Ils raisonnent comme si le libraire pouvait ne fabriquer qu'à proportion de son débit et qu'il n'eût de risques à courir que la bizarrerie du goût et le caprice de la mode. Ils oublient ou ignorent ce qui pourrait bien être, au moins, qu'il serait impossible de débiter un ouvrage à un prix raisonnable sans le tirer à un certain nombre. Ce qui reste d'une étoffe surannée dans les magasins de soieries a quelque valeur. Ce qui reste d'un mauvais ouvrage dans un magasin de librairie n'en a nul. Ajoutez que, de compte fait, sur 10 entreprises, il y en a une, et c'est beaucoup, qui réussit, 4 dont on recouvre ses frais à la longue, et 5 où l'on reste en perte. J'en appellerai toujours à des faits, parce que vous n'avez pas plus de foi que moi à la parole du commerçant mystérieux et menteur, et que les faits ne mentent point. Quel fonds plus ample, plus riche et plus varié que celui de feu Durand? On le fait monter à 900 000 francs. Envoyez-en d'abord pour 450 000 livres à la rame, et doutez qu'il reste quelque chose à sa veuve et à ses enfants lorsque la succession sera liquidée par le remboursement des créanciers. Je sais qu'on proportionne à peu près la durée du privilège à la nature de l'ouvrage, aux avances du commerçant, au hasard de l'entreprise, à son importance et au temps présumé de la consommation. Mais qui est-ce qui peut mettre dans un calcul précis tant d'éléments variables? Et combien de fois les magasins ne se trouvent-ils pas remplis à l'expiration du privilège? Mais une considération qui mérite surtout d'être bien pesée, dans le cas où les ouvrages seraient abandonnés à une concurrence générale, c'est que l'honneur étant la portion la plus précieuse des émoluments de l'auteur, les éditions multipliées, la marque la plus infaillible du débit, le débit, le signe le plus sûr du goût et de l'approbation publique, si rien n'est si facile que de trouver un auteur vain et un commerçant avide, quelle multitude d'éditions ne s'exécuteront pas les unes sur les autres, surtout si l'ouvrage a quelque succès, éditions où toutes les précédentes seront sacrifiées à la dernière par une addition légère, un trait ironique, une phrase ambiguë, une pensée hardie, une note singulière. En conséquence, voilà 3 ou 4 commerçants abîmés et immolés à un cinquième, qui peut-être ne s'enrichira pas, ou qui ne s'enrichira qu'aux dépens de nous autres, pauvres littérateurs. Et vous savez bien, monsieur, que ce que j'avance n'est pas tout à fait mal fondé. De là, que s'ensuivra-t-il? Que la partie la plus sensée des libraires laissera former des entreprises aux fous. Que les privilèges dont on se hâtait de remplir des portefeuilles n'étant plus que des effets plus incertains que ceux de banque, on se contentera de garnir sa boutique ou son magasin de toutes les sortes originales ou contrefaites de la ville ou de la province, du royaume ou de l'étranger, et qu'on n'imprimera que comme on bâtit, à la dernière extrémité, convaincu qu'on saura que plus on aurait acheté de manuscrits, plus on aurait dépensé pour les autres, moins on aurait acquis pour soi, et moins on laisserait à ses enfants. En effet, n'y aurait-il pas de l'extravagance à courir les premiers hasards? Ne serait-il pas plus adroit de demeurer à l'affût des succès et d'en profiter, surtout avec la certitude que le téméraire ne risquera point une édition nombreuse, et qu'en partant après lui, on pourra faire encore un profit très honnête, sans s'être exposé à aucune perte? En certaines circonstances, il échappe au commerçant des propos qui décèlent particulièrement son esprit et que je retiens volontiers. Qu'on aille lui proposer un ouvrage de bonne main et de peu d'acheteurs, que dit-il? Oui, les avances seront fortes et les rentrées difficiles, mais c'est un bon livre de fond. Avec 2 ou 3 effets tels que celui-là, on est sûr d'établir un enfant. Hé, ne lui ôtons pas sa propriété et la dot de sa fille. Des fabricants sans fonds ne feront jamais bien valoir leur fabrique, et des libraires sans privilèges seront des fabricants sans fonds. Je dis sans privilèges parce que ce mot ne doit plus mal sonner à vos oreilles. Si vous préférez une communauté où l'égale médiocrité de tous les membres rende une grande entreprise impossible à une communauté où la richesse soit inégalement distribuée, faites rentrer les effets sans distinction dans une masse commune. J'y consens. Mais attendez-vous à ce premier inconvénient et à bien d'autres. Plus de crédit entre eux, plus de remises pour la province, affluence d'éditions étrangères, jamais une bonne édition, fonderie en caractères mauvaise, chute des papeteries, et imprimerie réduite au factum, aux brochures et à tous ces papiers volants qui éclosent et meurent dans le jour. Voyez si c'est là ce que vous voulez. Pour moi, je vous avoue, monsieur, que ce tableau de la librairie me plaît moins que celui que je vous ai fait de ce commerce dans les temps qui ont suivi le règlement de 1665. Ce qui m'afflige, c'est que le mal, une fois fait, il sera sans remède. Mais avant que d'aller plus loin, car il me reste encore des choses sérieuses à vous dire, il faut que je vous prévienne contre un sophisme des gens à système. C'est que, ne connaissant que très superficiellement la nature des différents genres infinis de commerce, ils ne manqueront pas d'observer que la plupart des raisons que je vous apporte en faveur de celui de la librairie pourraient être employées avec la même force pour tous ceux qui ont des exclusifs à défendre, comme si tous les exclusifs étaient de la même sorte, comme si les circonstances étaient partout les mêmes, ou comme si les circonstances pouvaient différer sans rien changer au fond, et comme s'il n'arrivait pas que, dans les questions politiques, un motif qui paraît décisif en général ne soit réellement solide que dans quelques cas et même dans aucun. Exigez donc, monsieur, qu'on discute et qu'on n'enveloppe pas vaguement dans une même décision des espèces tout à fait diverses. Il ne s'agit pas de dire « tous les exclusifs sont mauvais », mais il s'agit de montrer que ce n'est pas la propriété qui constitue l'exclusif du libraire, et que quand cet exclusif serait fondé sur une acquisition réelle et sur un droit commun à toutes les acquisitions du monde, il est nuisible à l'intérêt général, et qu'il faut l'abolir malgré la propriété. Voilà le point de la difficulté. Demandez, je vous prie, ce que nous gagnerons à ces translations arbitraires du bien d'un libraire à un autre libraire. Faites qu'on vous montre bien nettement qu'il nous importe que ce soit plutôt un tel qu'un tel qui imprime et débite un livre. Je ne demande pas mieux qu'on nous favorise. En attendant, ce qui se présente à moi, c'est qu'un possesseur actuel, ne regardant sa jouissance que comme momentanée, doit faire de son mieux pour lui et de son pis pour nous, car il est impossible que son intérêt et le nôtre soient le même. Ou, si cela était ainsi, les choses seraient au mieux, il n'y aurait rien à changer. Mais permettez-vous, monsieur, qu'on vous dise à l'oreille les idées de quelques gens que vous appellerez rêveurs, méchants, bizarres, mauvais esprit, mal intentionné, comme il vous plaira. Ces gens-là, ne voyant dans ces innovations rien qui tende directement ni indirectement au bien général, y soupçonnent quelques motifs cachés d'intérêt particulier et, pour trancher le mot, le projet d'envahir un jour tous les fonds de la librairie, et comme ce projet, ajoute-t-il, est d'une atrocité si révoltante qu'on ose le consommer tout d'un coup, on cherche de loin à y accoutumer peu à peu le commerçant et le public par des démarches colorées du sentiment le plus noble et le plus généreux, celui d'honorer la mémoire de nos auteurs illustres dans leur postérité malheureuse. Regardez, continue-t-il, car ce sont toujours eux qui parlent, comment, à côté de ce prétexte honnête, on place les raisons d'autorité et d'autres qu'on saura bien faire valoir toutes seules lorsqu'on croira n'avoir plus de ménagements à garder. Ces idées sinistres ne prendront jamais auprès de ceux qui connaissent comme moi la justice, le désintéressement, la noblesse d'âme de nos supérieurs, et qui portent à leur fonction et à leur caractère tout le respect qui leur est dû. Mais, monsieur, qui nous répondra de leurs successeurs? S'ils trouvent toutes les choses préparées de loin à une invasion, quelle sûreté pouvons-nous avoir qu'ils ne s'y détermineront pas? À votre avis, monsieur, le commerçant, tranquille sur le moment présent, serait-il bien déraisonnable d'avoir quelque inquiétude pour l'avenir? D'autres ont imaginé que le plan était, à l'expiration successive des privilèges, de mettre pour condition à leur renouvellement la réimpression de certains ouvrages importants qui manquent et qui manqueront encore longtemps. Des avances considérables que le commerçant n'est pas en état de faire, et la lenteur des rentrées qu'il n'est guère en état d'attendre, le détournant de ses entreprises. Cette espèce d'imposition est de la nature de celle qu'il plaît au souverain d'asseoir sur tous les autres biens de ses sujets, dans les besoins urgents de l'État. Je n'oserais la blâmer, et il y en a déjà quelques exemples, mais elle ne peut jamais autoriser à la translation des propriétés. Si elle pouvait servir de prétexte un jour à cette iniquité, un magistrat prudent y renoncerait. Mais une attention nécessaire, c'est d'alléger cette tâche le plus qu'il est possible et de la proportionner avec scrupule à la valeur du privilège qu'on renouvelle. Et puis, vous verrez qu'elle deviendra, tôt ou tard, le germe des vexations les plus inouïes. J'aimerais bien mieux qu'elle tombât sur des concessions de pure faveur, telles, par exemple, que les permissions tacites, les contrefaçons faites de l'étranger et autres objets de cette espèce. Il y en a qui conjecturent, et ceux-ci font le plus grand nombre, que le dessein est de transformer tous les privilèges en permissions pures et simples, sans aucune clause d'exclusion, en sorte que, accordés en même temps à plusieurs à la fois, il en résulte vitalité dans l'exécution, concurrence dans le débit, et les éditions les plus belles au plus bas prix possible. Mais premièrement, c'est traiter le privilège du libraire comme une grâce qu'on est libre de lui accorder ou de lui refuser, et oublier que ce n'est que la garantie d'une vraie propriété à laquelle on ne saurait toucher sans injustice. Et quel sera le produit de cette injustice? Vous en allez juger, vous ramenant à des faits toutes les fois que je le peux. C'est ma méthode et je crois qu'elle vous convient. Les auteurs classiques sont précisément, monsieur, dans le cas où l'on se proposerait de réduire tous les autres livres. Il n'y a pour ces ouvrages que ces sortes de permissions, et la concurrence libre et générale en a été perpétuelle même après les édits de 1649 et 1665, qui en faisaient les privilèges exclusifs et l'objet d'un fonds solide et propre à chaque pourvu. Eh bien, monsieur, quelle émulation entre les commerçants! Quel avantage pour le public ces permissions et ces concurrences ont-elles produit? Entre les commerçants, l'émulation de l'économie, comme je vous l'avais prédit d'ailleurs, c'est-à-dire la main-d'œuvre la plus négligée, les plus mauvais papiers, et des caractères dont on n'a plus que ce misérable service à tirer avant que de les renvoyer à la fonte. Pour le public, l'habitude de mettre entre les mains de nos enfants des ouvrages qui ne fatiguent déjà que trop leur imbécilité par leurs épines, sans y ajouter des vices typographiques qui les arrêtent à chaque ligne. Hélas, les pauvres innocents, on les réprimande souvent pour des fautes dont il aurait fallu châtier l'imprimeur ou l'éditeur. Mais que dire à ceux-ci lorsque le mépris de l'institution de la jeunesse, qui se remarque parmi nous jusque dans les petites choses, ne veut que des maîtres à 100 écus de gage et des livres à 4 sous. Cependant, en répandant la dépense d'une pistole de plus sur un intervalle de 7 à 8 ans d'études, les jeunes gens auraient des livres bien conditionnés et faits avec soin, et le magistrat serait autorisé à envoyer au pilon toutes ces éditions rebutantes pour les élèves et déshonorantes pour l'art. Des valets tout chamarrés de dorures et des enfants sans souliers et sans livres, nous voilà. Nos voisins d'au-delà de la Manche l'entendent un peu mieux. J'ai vu les auteurs classiques à l'usage des collèges de Londres, de Cambridge et d'Oxford, et je vous assure que les éditions dont nos savants se contentent ne sont ni plus belles ni plus exactes. Je n'ignore pas que des imprimeurs de notre temps ont consacré des sommes considérables aux éditions des anciens auteurs, mais je sais aussi que plusieurs s'y sont ruinés. Il faut attendre comment leurs imitateurs heureux ou téméraires s'en tireront. Mais j'accorde, nonobstant l'expérience faite sur les livres classiques et la multitude des contrefaçons, que l'effet de la concurrence supplée à celui de la propriété, et qu'on obtienne autant et plus de la permission libre et générale que du privilège exclusif. Qu'en résultera-t-il? À peu près le bénéfice d'un 1/5. Et sur quels ouvrages? Sera-ce sur le coutumier général, sur le journal des audiences, sur les pères de l'Église, sur les mémoires des académies, sur les grands corps d'histoire, sur les entreprises qui demandent des avances de 100 000 francs, de 50 000 écus et dont les éditions s'épuisent à peine dans l'espace de 40 à 50 ans? Vous voyez bien que ce serait une folie de l'espérer. Ce ne sera donc pas l'ouvrage de 10 à 20 pistoles que la permission libre et générale fera baisser. La concurrence et son effet ne tomberont que sur les petits auteurs, c'est-à-dire que le commerçant pauvre sera forcé de sacrifier son profit journalier à la promptitude du débit et n'en deviendra que plus pauvre, et que le libraire aisé, privé de ses rentrées courantes qui sont attachées aux sortes médiocres, et nullement aux ouvrages de prix, cessera de publier ces derniers dont la rareté et la valeur iront toujours en croissant, et que pour m'épargner 5 sols, vous m'aurez constitué dans la dépense d'une pistole. Et puis, monsieur, toujours des faits à l'appui de mes raisons. » La dernière édition de la Coutume de Normandie, de Basnage, qui appartient à la librairie de Rouen, a été faite en 1709 et manque depuis 30 ans. Ce sont 2 petits in-folios, assez minces, dont le premier prix a été de 40 francs au plus, et qu'on paye aujourd'hui dans les ventes depuis 80 jusqu'à 90 livres. La Coutume de Bourgogne, du président Bouillet, dont l'édition s'épuise, et le prix augmente, parce qu'on sait bien que le libraire de Dijon ne se dispose pas à la réimprimer, se vendait originairement 48 livres, et se porte maintenant dans les ventes depuis 54 livres jusqu'à 60 livres. La Jurisprudence de Ducase, volume in quarto, que le libraire de Toulouse a laissé manquer et qu'on n'achetait d'abord que 9 livres, se paye aux ventes depuis 15 jusqu'à 16 livres. On n'en remporte pas non plus la Coutume de Senlis, volume in quarto, à moins de 16 à 18 livres. La librairie de Paris, qui, malgré les difficultés qu'elle a trouvées dans le maintien des lois qui la soutenaient, n'a pas laissé tomber les livres nécessaires, et dont les presses nous ont fourni plus de 20 volumes in folio seulement de jurisprudence, et depuis 10 ans préparait une édition nouvelle des ordonnances de Néron en 4 volumes in folio. La collection des matériaux lui avait coûté plus de 10 000 francs. Malgré ses avances, l'arrêt du conseil prononcé en faveur des demoiselles Lafontaine l'a découragée et elle a abandonné une entreprise dont elle aurait supporté tout le fardeau et dont le bénéfice en irait à d'autres, si l'on se croyait en droit de disposer d'un privilège et s'il n'y avait plus d'ouvrage dont la propriété fût assurée. Cependant, cet auteur, qui ne forme actuellement que 2 volumes in folio, valait 60 francs avant le projet de la nouvelle édition. Il n'y a pas d'apparence que l'abandon prudent de ce projet le fasse baisser de prix. Voilà, monsieur, le sort qu'auront tous les grands ouvrages à mesure qu'ils manqueront. Si je ne vous ai cité que de ceux qui sont à l'usage de la France, c'est que l'étranger, qui ne les réimprimera pas, ne nous laissera pas manquer des autres en payant. Et quoique le mal soit général, c'est surtout dans les choses qui nous sont propres qu'il se fera sentir. Un projet solide est celui qui assure à la société et aux particuliers un avantage réel et durable. Un projet spécieux est celui qui n'assure, soit à la société, soit aux particuliers, qu'un avantage momentané. Et le magistrat imprudent est celui qui n'aperçoit pas les suites fâcheuses de ce dernier, et qui, trompé par l'appât séduisant de faire tomber de prix la chose manufacturée, soulage l'acheteur pour un instant, et ruine le manufacturier et l'État. Mais laissons là pour un moment le commerce du libraire et sa chose pour tourner les yeux vers la nôtre. Considérons le bien général sous un autre point de vue, et voyons quel sera l'effet ou de l'abolition des privilèges, ou de leurs translations arbitraires, ou des permissions libres sur la condition des littérateurs et par contre-coup sur celle des lettres. Entre les différentes causes qui ont concouru à nous tirer de la barbarie, il ne faut pas oublier l'invention de l'art typographique. Donc, décourager, abattre, avilir cet art, c'est travailler à nous y replonger et à faire ligue avec la foule des ennemis de la connaissance humaine. La propagation et les progrès de la lumière doivent aussi beaucoup à la protection constante des souverains, qui s'est manifestée en 100 manières diverses, entre lesquelles il me semble qu'il y aurait ou bien de la prévention ou bien de l'ingratitude à passer sous silence les sages règlements qu'ils ont institués sur le commerce de la librairie, à mesure que les circonstances fâcheuses qui le troublaient les ont exigés. Il ne faut pas un coup d'œil, ou fort pénétrant, ou fort attentif, pour discerner entre ces règlements celui qui concerne les privilèges de librairie à mener successivement à n'être que la sauvegarde accordée par le ministère aux légitimes propriétaires contre l'avidité des usurpateurs, toujours prêts à lui arracher le prix de son acquisition, le fruit de son industrie, la récompense de son courage, de son intelligence et de son travail. Mais quelle que soit la bonté et la munificence d'un prince ami des lettres, elles ne peuvent guère s'étendre qu'aux talents connus. Or, combien de tentatives heureuses, malheureuses, avant que de sortir de l'obscurité et d'avoir acquis cette célébrité qui attire les regards et les récompenses des souverains. Encore une fois, monsieur, il faut toujours considérer les choses d'origine, parce que c'est le sort commun des hommes de n'être rien avant que d'être quelque chose, et qu'il serait même à souhaiter que les honneurs et la fortune suivissent d'un pas égal les progrès du mérite et des services, quoique le début dans la carrière soit le temps important et difficile de la vie. Un homme ne reconnaît son génie qu'à l'essai. L'aiglon tremble comme la jeune colombe au premier instant où il déploie ses ailes et se confie aux vagues de l'air. Un auteur fait un premier ouvrage. Il n'en connaît pas la valeur, ni le libraire non plus. Si le libraire nous paye comme il veut, en revanche, nous lui vendons ce qu'il nous plaît. C'est le succès qui instruit le commerçant et le littérateur. Ou l'auteur s'est associé avec le commerçant. Mauvais parti, il suppose trop de confiance d'un côté, trop de probité de l'autre. Ou il a cédé sans retour la propriété de son travail à un prix qui ne va pas loin, parce qu'il se fixe et doit se fixer sur l'incertitude de la réussite. Cependant, il faut avoir été à ma place, à la place d'un jeune homme qui recueille pour la première fois un modique tribut de quelques journées de méditation. Sa joie ne se comprend pas, ni l'émulation qu'il en reçoit. Si quelques applaudissements du public viennent se joindre à cet avantage, si quelques jours après son début, il revoit son libraire et qu'il le trouve poli, honnête, affable, caressant, l'œil serein, qu'il est satisfait. De ce moment, son talent change de prix, et je ne saurais le dissimuler, l'accroissement en valeur commerçante de sa seconde production n'a nul rapport avec la diminution du hasard. Il semble que le libraire, jaloux de conserver l'homme, calcule d'après d'autres éléments. Au troisième succès, tout est fini. L'auteur fait peut-être encore un mauvais traité, mais il le fait à peu près tel qu'il veut. Il y a des hommes de lettres à qui leur travail a produit 10, 20, 30, 80, 100 000 francs. Moi qui ne jouis que d'une considération commune et qui ne suis pas âgé, je crois que le fruit de mes occupations littéraires irait bien à 40 000 écus. On ne s'enrichirait pas, mais on acquerrait de l'aisance si ces sommes n'étaient pas répandues sur un grand nombre d'années, ne s'évanouissaient pas à mesure qu'on les perçoit et n'étaient pas dissipées lorsque les années sont venues, les besoins accrus, les yeux éteints et l'esprit usé. Cependant, c'est un encouragement. Et quel est le souverain assez riche pour y suppléer par ses libéralités? Mais ces traités n'ont quelque avantage pour l'auteur qu'en vertu des lois qui assurent aux commerçants la possession tranquille et permanente des ouvrages qu'il acquiert. Abolissez ces lois. Rendez la propriété de l'acquéreur incertaine. Et cette police mal entendue retombera en partie sur l'auteur. Quelle partie tirerais-je de mon ouvrage, surtout si ma réputation n'est pas faite, comme je le suppose, lorsque le libraire craindra qu'un concurrent, sans courir le hasard de l'essai de mon talent, sans risquer les avances d'une première édition, sans m'accorder aucun honoraire, ne jouisse incessamment, au bout de 6 ans, plutôt s'il l'ose, de son acquisition. Les productions de l'esprit rendent déjà si peu. Si elles rendent encore moins, qui est-ce qui voudra penser? Ceux que la nature y a condamnés par un instinct insurmontable qui leur fait braver la misère? Mais ce nombre d'enthousiastes, heureux d'avoir le jour du pain et de l'eau, la nuit une lampe qui les éclaire, est-il bien grand? Est-ce au ministère à les réduire à ce sort? S'il s'y résout, aura-t-il beaucoup de penseurs? S'il n'a pas de penseurs, quelle différence y aura-t-il entre lui et un pâtre qui mène des bestiaux? Il y a peu de contrées en Europe où les lettres soient plus honorées, plus récompensées qu'en France. Le nombre des places destinées aux gens de lettres y est très grand. Heureux si c'était toujours le mérite qui est conduisit. Mais si je ne craignais d'être satirique, je dirais qu'il y en a où l'on exige plus scrupuleusement un habit de velours qu'un bon livre. Les productions littéraires ont été distinguées par le législateur des autres possessions. La loi a pensé à en assurer la jouissance à l'auteur. L'arrêt du 21 mars 1749 les déclare non saisissables. que devient cette prérogative si les vues nouvelles prévalent? Quoi, un particulier aliène à perpétuité, un fonds, une maison, un champ, il en prive ses héritiers sans que l'autorité publique lui demande compte de sa conduite? Il en tire toute la valeur, se l'applique à lui-même comme il lui plaît, et un littérateur n'aura pas le même droit? Il s'adressera à la protection du souverain pour être maintenu dans la plus légitime des possessions. Et le roi, qui ne la refuse pas au moindre de ses sujets quand elle ne préjudicie à personne, la limitera à un certain intervalle de temps à l'expiration duquel un ouvrage qui aura consumé son bien, sa santé, sa vie, et qui sera compté au nombre des monuments de la nation, s'échappera de son héritage, de ses propres mains, pour devenir un effet commun. Et qui est-ce qui voudra languir dans l'indigence pendant les années les plus belles de sa vie et pâlir sur des livres à cette condition? Quittons le cabinet, mes amis, brisons la plume et prenons les instruments des arts mécaniques si le génie est sans honneur et sans liberté. L'injustice se joint ici à une telle absurdité que si je ne m'adressais à un homme qu'on obsède, qui ne doute point des projets qu'on a, à qui les sollicitations sont portées de la ville et de la province, je cesserai de traiter cette matière. Les autres croiront certainement que je me fais des fantômes pour le plaisir de les combattre. Mais direz-vous, lorsque vous avez aliéné votre ouvrage, que vous importe que le ministère prenne connaissance de vos intérêts négligés et vous venge d'un mauvais traité où l'adresse et l'avidité du commerçant vous ont surpris? Si j'ai fait un mauvais traité, c'est mon affaire. Je n'ai point été contraint, j'ai subi le sort commun, et si ma condition est mauvaise, espérez-vous la rendre meilleure en me privant du droit d'aliéner et en anéantissant l'acte de ma cession entre les mains de mon acquéreur? Avez-vous prétendu que cet homme compterait la propriété pour rien? Et s'il y ajoute quelque valeur, ne diminuera-t-il pas mes honoraires en raison de cette valeur? Je ne sais à qui vous en voulez. Parlez de votre amour prétendu pour les lettres tant qu'il vous plaira. Mais c'est sur elle que vous allez frapper. Vous avez rappelé dans votre sein, par la douceur de votre administration, par vos récompenses, par des honneurs, par toutes les voies imaginables, les lettres que l'intolérance et la persécution avaient égarées. Craignez de les égarer une seconde fois. Votre ennemi fait des vœux pour que l'esprit de vertige s'empare de vous, que vous preniez une verge de fer et que vos imprudences multipliées lui envoient un petit nombre de lettrés qu'il vous envie. Ils iront, c'est moi qui vous en avertis, et bien plus fortement que moi, les propositions avantageuses qu'on leur fait et qu'ils ont encore le courage de rejeter. Parce que les taureaux ont des cornes et qu'ils entrent quelquefois en fureur, serez-vous assez vifs et assez bêtes pour ne vouloir plus commander qu'à des bœufs? Vous n'avez pas de sens, vous ne savez ce que vous voulez. Vous ajoutez que la perpétuité du privilège, laissant le commerçant maître absolu du prix de son livre, il ne manquera pas d'abuser de cet avantage. Si votre commerçant ignore que son intérêt réel est dans la consommation rapide et dans la prompte rentrée de ses fonds, il est le plus imbécile des commerçants. D'ailleurs, protégez les privilégiés tant qu'il vous plaira. Ajoutez des punitions infamantes aux peines pécuniaires portées par les règlements. Dressez même des gibets, et la cupidité du contrefacteur les bravera. Je vous l'ai déjà dit, et l'expérience avant moi. Mais rien ne vous instruit. Je défie un libraire de porter un ouvrage au-delà d'un prix qui compense les hasards du contrefacteur et les dépenses de l'étranger, sans que, malgré toute sa vigilance appuyée de toute l'autorité du magistrat, il n'en paraisse 3 ou 4 contrefaçons dans l'année. Rappelez-vous qu'il ne s'agit ici que d'ouvrages courants et qui ne demandent qu'un coup de main. Je pourrais proposer au magistrat, à qui il est de règle de présenter le premier exemplaire d'un livre nouveau, d'en fixer lui-même le prix. Mais cette fixation, pour être équitable, suppose des connaissances de détail qu'il ne peut ni avoir ni acquérir. Il est presque aussi sûr et plus court de s'en rapporter à l'esprit du commerce. J'ajouterai peut-être qu'entre ces sortes, les livres du plus haut prix ne sont pas aux privilégiés, mais je ne veux indisposer personne. On dit encore, lorsqu'un libraire a fait un lucre honnête sur un ouvrage, n'est-il pas juste qu'un autre en profite? Et pourquoi n'en gratifierait-on pas celui qui l'a bien mérité par quelque grande entreprise? En vérité, je ne sais pourquoi je m'occupe à répondre sérieusement à des questions qui ne peuvent être suggérées que par la stupidité la plus singulière ou l'injustice la plus criante. Mais si ce n'est pas à la chose, c'est au nombre qu'il faut avoir égard. Premièrement, l'imprimerie et la librairie ne sont pas de ces états de nécessité première auxquels on ne peut appliquer trop d'hommes. Si 400 libraires suffisent en France, il serait mal d'y en entretenir 800 aux dépens d'un moindre nombre. Louis XIV a tenu pendant 20 ans la porte de cette communauté fermée. Il fixa le nombre des imprimeurs. Le monarque régnant, d'après les mêmes vues, a interrompu les apprentissages pendant 30 autres années. Quelle raison a-t-on d'abandonner cette police ? Qu'on laisse les choses dans l'état où elles sont et qu'on n'aille pas dépouiller ceux qui ont placé leurs fonds dans ce commerce en leur donnant des associés, ou qu'en abolissant toutes les corporations à la fois, il soit libre à chacun d'appliquer ses talents et son industrie comme il y sera poussé par la nature et par l'intérêt, qu'on s'en rapporte aux seuls besoins de la société, qui saura bien, sans que personne s'en mêle, dans quelque profession que ce soit, suppléer les bras nécessaires ou retrancher les superflus. J'y consens. Cela me convient à moi et à tous ceux à qui la moindre étincelle de la lumière présente est parvenue. Mais malheureusement, il y a bien des conditions préliminaires à cet établissement. J'aurai, si je ne me trompe, occasion d'en dire un mot à l'occasion de cette foule d'intrus qu'on protège, sans réfléchir à ce qu'on fait. Deuxièmement, mais parce qu'un libraire aurait reçu, je ne dis pas un lucre honnête, mais un profit énorme d'une entreprise, serait-ce une raison pour l'en dépouiller ? Cela fait rire, c'est précisément comme si un citoyen qui n'aurait point de maison sollicitait celle de son voisin que cette propriété aurait suffisamment enrichi. Troisièmement, pour évaluer les avantages d'un commerçant sur une entreprise qui lui succède, ne faut-il pas mettre en compte les pertes qu'il a faites sur 10 autres qui ont manqué ? Mais comment connaître ces deux termes qu'il faut compenser l'un par l'autre ? C'est, monsieur, par la fortune des particuliers. Voilà la seule donnée, et elle suffit. Or, je le dis, je le répète, et aucun d'eux ne m'en dédira, quelque contraire que cela soit à leur crédit. La communauté des libraires est une des plus misérables et des plus décriées. Ce sont presque tous des gueux. Qu'on cite une douzaine sur 360 qui est deux habits, et je me charge de démontrer qu'il y en a 4 sur ces 12 dont la richesse n'a presque rien de commun avec les privilèges. Quatrièmement, si vous croyez, monsieur, que ces privilèges, tant enviés, soient la propriété d'un seul, vous vous trompez. Il n'y en a presque point de quelque valeur qui ne soit commun à 20 ou 25 personnes. Et il faut savoir quelle misère c'est quand il s'agit d'obtenir de chacun la quotité de dépenses proportionnée à sa part dans les cas de réimpression. Il y en a qui, hors d'état de la fournir, abandonnent à leurs associés leur intérêt, tantôt avant, tantôt après la réimpression. Un fait, monsieur, c'est que la compagnie des associés du Racine in Quarto, après 10 ans, n'a pu se liquider avec l'imprimeur. C'est pourtant du Racine que je vous parle. Oui, monsieur, du Racine. Il ne se passe presque pas une année sans qu'il se vende quelques-unes de ses parts à la Chambre, que les promoteurs des nouvelles vues s'y rendent, qu'il s'en fasse adjudicataire, et qu'il possède sans rapine et sans honte un bien qu'on n'enlèverait que de force au propriétaire, et dont il ne se verrait point dépouillé sans douleur. Et surtout qu'on ne me parle pas de la gratification d'un citoyen qu'on revêt de la dépouille d'un autre. C'est profaner la langue de l'humanité et de la bienfaisance en la mettant sur les lèvres de la violence et de l'injustice. J'en appelle à tout homme de bien. S'il avait eu le bonheur de bien mériter de sa nation, souffrirait-il qu'on reconnût ses services d'une manière aussi atroce ? Je ne puis m'empêcher de porter ici la parole aux demoiselles de La Fontaine et de leur faire une prédiction qui ne tardera pas à se vérifier. Elles ont imaginé sans doute, sur le mérite de l'ouvrage de leur aïeul, que le ministère les avait gratifiées d'un présent important. Je leur annonce que, malgré toute la protection possible, elles seront contrefaites en 100 endroits, qu'à moins qu'elles ne l'emportent sur le manufacturier régnicole ou étranger par quelque édition merveilleuse, et conséquemment d'un grand prix et d'un débit très étroit, qui attire l'homme de luxe ou le littérateur curieux. Le libraire de Paris et celui de province s'adresseront aux contrefacteurs, ne fût-ce que par ressentiment. Qu'un effet précieux dépérira entre leurs mains. qu'elles chercheront à s'en défaire, qu'on n'en voudra qu'à vil prix parce qu'on ne comptera pas plus sur leur cession que sur celle de leur aïeul. Que cependant, comme il y a de la canaille dans tous les corps et qu'elle ne manque pas dans la librairie, il se trouvera un particulier sans honneur et sans fortune qui se déterminera à acquérir d'elle et que cet homme haï et perdu n'aura jamais la jouissance paisible et lucrative de sa possession. Cependant, continuez-vous, il y a de votre aveu des ouvrages importants qui manquent et dont nous avons besoin. Comment en obtiendrons-nous les réimpressions ? Comment ? Je ne balance pas à vous le dire. En raffermissant les privilèges ébranlés, en maintenant les lois de cette propriété. Poursuivez sévèrement les contrefacteurs. Portez-vous, avec un front terrible, dans les cavernes de ces voleurs clandestins. Puisque vous tirez des subsides considérables des corporations et que vous n'avez ni la force ni le moyen de les anéantir, puisque vous avez assez de justice pour sentir qu'en les privant des droits que vous leur avez accordés, il ne faut pas les laisser sous le poids des dettes qu'elles ont contractées dans vos besoins urgents, puisque vous n'êtes pas en état de payer ces dettes, puisque vous continuez à leur vendre votre pernicieuse faveur, soutenez-les du moins de toute votre force, jusqu'à ce que vous ayez dans vos coffres de quoi les dissoudre. Sévissez contre des intrus qui s'immiscent de leur commerce et qui leur enlèvent leurs avantages sans partager leurs charges. Que ces intrus n'obtiennent point vos privilèges, que les maisons royales ne leur servent plus d'asile, qu'ils ne puissent introduire ni dans la capitale ni dans les provinces des éditions contrefaites. Remédiez sérieusement à ces abus, et vous trouverez des compagnies prêtes à seconder vos vues. N'attendez rien d'important de vos protégés subalternes. Mais rien, je vous le dis, et moins encore d'un commerçant qui luttera contre l'indigence, et à qui vous imposeriez vainement un fardeau supérieur à ses forces. C'est une terre effritée à laquelle vous demandez du fruit en la sevrant de ses engrais ordinaires. Que diriez-vous, monsieur, d'un marchand qui vous vendrait chèrement et qui entretiendrait encore à sa porte un voleur pour vous dépouiller au sortir de chez lui ? C'est ce que vous faites. Notre position, me direz-vous, est embarrassante. Je le sais. Mais c'est vous-même qui vous y êtes mis par mauvaise politique. C'est votre indigence qui vous y retient. Il ne faut pas châtier l'innocent des fautes que vous avez faites et m'arracher d'une main ce que vous continuez de me vendre de l'autre. Mais encore une fois, l'abolissement des corporations, quand vous en seriez le maître demain, n'a rien de commun avec les privilèges. Ce sont des objets si confondus dans votre esprit que vous avez peine à les séparer. Quand il serait libre à tout le monde d'ouvrir boutique dans la rue Saint-Jacques, l'acquéreur d'un manuscrit n'en serait pas moins un vrai propriétaire. En cette qualité, un citoyen sous la sauvegarde des lois et le contrefacteur, un voleur à poursuivre selon toute leur sévérité. Plus l'état actuel de l'imprimerie et de la librairie serait exposé avec vérité, moins il paraîtrait vraisemblable. Permettez, monsieur, que je vous suppose un moment imprimeur ou libraire. Si vous vous êtes procuré un manuscrit à grands frais, si vous en avez sollicité le privilège, qu'on vous l'a accordé, que vous ayez mis un argent considérable à votre édition, rien épargné, ni pour la beauté du papier, ni pour celle des caractères, ni pour la correction, et qu'au moment où vous paraîtrez, vous soyez contrefait, et qu'un homme à qui la copie n'a rien coûté vienne débiter sous vos yeux votre propre ouvrage en petits caractères et en mauvais papier. Que penserez-vous ? Que direz-vous ? Mais s'il arrive que ce voleur passe pour un honnête homme et pour un bon citoyen, si ses supérieurs l'exhortent à continuer, si, autorisé par les règlements à le poursuivre, vous êtes croisé par les magistrats de sa ville, s'il vous est impossible d'en obtenir aucune justice, si les contrefaçons étrangères se joignent aux contrefaçons du royaume, si un libraire de Liège écrit impudemment à des libraires de Paris qu'il va publier le spectacle de la nature qui vous appartient, ou quelques-uns des dictionnaires portatifs dont vous aurez payé le privilège une somme immense, et que pour en faciliter le débit, il y mette votre nom, s'il s'offre à les envoyer, s'il se charge de les rendre où l'on jugera à propos, à la porte de votre voisin, sans passer à la chambre syndicale, s'il tient parole, si ces livres arrivent, si vous recourez au magistrat et qu'il vous tourne le dos? Ne serez-vous pas consterné, découragé? Et ne prendrez-vous pas le parti ou de rester oisif ou de voler, comme les autres? Et si, dans ce découragement, vous seriez tombé vous-même à la place du commerçant, s'il arrivait, monsieur, que quelque innovation, mal entendue, suggérée par un cerveau creux et adoptée par un magistrat à tête étroite et bornée, se joignit au dégoût que l'imprimerie et la librairie et les lettres ont déjà souffert et les bannit de la France? Voilà vos relieurs, vos doreurs, vos papetiers et d'autres professions liées à celle-ci ruinées. C'est fait de la vente de vos peaux, matière première, que l'étranger saura bien tirer du royaume, lorsque le prix en sera baissé, et vous renvoyez toutes fabriquées comme il a déjà commencé de faire. Ces suites ne vous paraissent-elles pas inévitables, lorsque vos imprimeurs et vos libraires, hors d'état de soutenir leur commerce et leur manufacture, en seront réduits au petit profit de la commission? Et ne vous flattez pas, monsieur, que le mal soit fort éloigné. Déjà la Suisse, Avignon et les Pays-Bas, qui n'ont point de copie à payer et qui fabriquent à moins de frais que vous, se sont appropriés des ouvrages qui n'auraient dû être et qui n'avaient jamais été imprimés qu'ici. Avignon surtout, qui n'avait, il y a 10 ans, que 2 imprimeries languissantes, en a maintenant 30, très occupées. Est-ce qu'on écrit à Avignon? Cette contrée, c'est-elle policée? Y a-t-il des auteurs, des gens de lettres? Non, monsieur. C'est un peuple tout aussi ignorant, tout aussi hébété qu'autrefois. Mais il profite de l'inobservation des règlements et inonde de ses contrefaçons nos provinces méridionales. Ce fait n'est point ignoré. S'en alarme-t-on? Aucunement. Est-ce qu'on s'alarme de rien? Mais il y a pis. Vos libraires de Paris, monsieur, oui, vos libraires de Paris, privés de cette branche de commerce, soit lâcheté, soit misère, ou toutes les deux, prennent partie de ces éditions. Quant à ceux de province, hélas, c'est presque inutilement qu'on ouvrirait aujourd'hui des yeux qu'on a tenus si longtemps fermés sur leurs contraventions. Ils ne se donnent plus la peine de contrefaire. Ce vol ne leur est plus assez avantageux. Ils suivent l'exemple de la capitale et acceptent les contrefaçons étrangères. Et ne croyez pas que j'exagère. Un homme que je ne nommerai pas, par égard pour son état et pour son mérite personnel, avait conseillé aux imprimeurs de Lyon de contrefaire l'Histoire ecclésiastique de Racine, en 14 volumes in 12. Il oubliait en ce moment qu'il en avait coûté aux propriétaires et privilégiés des sommes considérables pour le manuscrit et d'autres sommes considérables pour l'impression. Le contrefacteur, avec moins de conscience, n'était pas fait pour avoir plus de mémoire. Cependant, la contrefaçon et le vol conseillés n'ont pas eu lieu. Une édition d'Avignon a arrêté tout court le libraire de Lyon, qui s'en applaudit parce qu'il a mieux trouvé son compte à prendre parti de la contrefaçon étrangère. Encore un moment de persécution et de désordre, et chaque libraire se pourvoira au loin selon son débit. Ne s'exposant plus à perdre les avances de sa manufacture, que peut-il faire de plus prudent? Mais l'État s'appauvrira par la perte des ouvriers et la chute des matières que votre sol produit, et vous enverrez hors de vos contrées l'or et l'argent que votre sol ne produit pas. Mais, monsieur, vous êtes-vous jamais informé de la nature des échanges du libraire français avec le libraire étranger? Ce ne sont le plus souvent que de mauvais livres, qu'on donne pour d'aussi mauvais qu'on reçoit, des maculatures qui circulent 10 fois de magasins en magasins avant que d'arriver à leur vraie destination, et cela après des frais énormes de port et de voitures qui ne rentrent plus. Loin donc de songer à étendre la concurrence, il serait peut-être mieux de porter l'exclusif jusqu'aux ouvrages imprimés pour la première fois chez l'étranger. Je dis peut-être, et je dirais sûrement, s'il était possible d'obtenir la même justice pour lui. Mais il n'y faut pas penser. Les commerçants d'une nation sont et seront toujours en état de guerre avec les commerçants d'une autre. L'unique ressource est donc de fermer l'entrée à leurs éditions, d'accorder des privilèges pour leurs ouvrages au premier occupant, ou, si l'on aime mieux, de les traiter comme les manuscrits des auteurs anciens, dont on ne paye point d'honoraires et qui sont de droit commun, et d'imiter leur célérité à nous contrefaire. Voilà pour les livres qui ne contiennent rien de contraire à nos principes, à nos mœurs, à notre gouvernement, à notre culte, à nos usages. Quant aux autres, permettez que je renvoie mon avis à quelques lignes plus bas, où je vous parlerai des permissions tacites. J'ai entendu dire, mais puisqu'on ne peut empêcher l'étranger de nous contrefaire, pourquoi ne pas autoriser le régnicole ? Voler pour voler, il vaut encore mieux que nos propriétaires le soient par un Français, leur voisin, que par un Hollandais. Non, monsieur, cela ne vaut pas mieux. Par quelque considération que ce soit, il ne faut encourager, au mépris des mœurs et des lois, les concitoyens à se piller les uns les autres. Mais encore une fois, faites de votre mieux par l'exécution stricte des règlements pour fermer l'entrée à toute contrefaçon étrangère. Que le Hollandais, le Genevois ou l'Avignonnais perdent plus par la saisie d'une édition interceptée qu'il ne peut gagner sur 10 qui passeront en fraude. Multipliez ces hasards comme vous le devez, soutenez votre légitime commerçant de toute votre autorité et abandonnez le reste à sa vigilance et à son industrie. Aussitôt que son édition sera prête à paraître, ne doutez pas que ses correspondants n'en soient informés aux deux extrémités du royaume. Que la plus grande partie de son édition ne soit placée. Que ce correspondant, pressé de jouir de notre impatience, incertain qu'il puisse pourvoir au loin et presque sûr d'être saisi et châtié s'il vend une édition contrefaite, n'accepte le papier manufacturé du libraire de la capitale et que le commerçant étranger n'envoie que bien rarement dans nos provinces une marchandise dont elles seront fournies. Mais si nous ne prenons pas ses livres, il ne prendra pas les nôtres. Et vous ne pensez pas que c'est votre bien qu'il vous envoie ? Il n'a rien qui soit à lui. Il produit à peine une malheureuse brochure dans une année. Voilà, monsieur, ce que j'avais à vous dire des privilèges de la librairie. Je peux m'être trompé en quelques points, mais de peu d'importance. Avoir donné à certaines raisons plus de poids qu'elles n'en ont. N'être pas encore assez profondément initié dans la profession pour atteindre à une juste évaluation des avantages et des désavantages. Mais je suis sûr de ma sincérité, sinon de mes lumières. Je n'ai, ni dans cette affaire, ni dans aucune autre de ma vie, consulté mon intérêt particulier aux dépens de l'intérêt général. Aussi ai-je la réputation d'homme de bien et ne suis pas fort riche. D'où je conclus pour terminer ce point que j'ai traité le plus long, parce qu'il m'a semblé le plus important, premièrement, que les lois établies successivement depuis 2 siècles, en connaissance de cause, inspirées par des inconvénients très réels que je vous ai exposés à mesure qu'ils y donnaient lieu, maintenues en partie sous un règne par l'autorité de Louis XIII, du cardinal de Richelieu et de ses successeurs au ministère, devenues générales sous le règne suivant par l'autorité de Louis XIV, du chancelier Séguier et de Colbert, lois dont vous devez connaître, à présent, toute la nécessité si vous voulez conserver quelque splendeur à votre librairie, à votre imprimerie et à votre littérature, soit à jamais raffermie. Deuxièmement, que, conformément aux lettres patentes du 20 décembre 1649, 27 janvier 1665, et aux différents arrêts donnés en conséquence par Louis XIV et le souverain régnant, spécialement au règlement du 28 février, article 1er et suivant, les privilèges soient regardés comme de pures et simples sauvegardes, les ouvrages acquis comme des propriétés inattaquables et leurs impressions et réimpressions continuées exclusivement à ceux qui les ont acquises, à moins qu'il n'y ait dans l'ouvrage même une clause dérogatoire. Troisièmement, que la translation ou le partage ne s'en fasse jamais que dans le cas unique où le légitime possesseur le laisserait librement et sciemment en non-valeur. Quatrièmement, que ces privilèges et les permissions continuent à être portés sur le registre de la Chambre syndicale de Paris. Cinquièmement, que le syndic soit autorisé, comme de raison, à suspendre l'enregistrement quand il y sera fait opposition ou qu'il connaîtra que le privilège présenté préjudicie aux droits d'un tiers et ce jusqu'à la décision du chancelier. Sixièmement, que les livres étrangers susceptibles de privilèges et d'autorisation publique appartiennent au premier occupant comme un bien propre ou soient déclarés de droit commun comme on le jugera plus raisonnable. Septièmement, que les lois sur l'entrée de ces livres dans le royaume et notamment l'article 92 du règlement de 1723 soient rigoureusement exécutées et qu'il n'en passe aucun qui ne soit déchargé dans les chambres syndicales où les ballots doivent s'arrêter. Huitièmement, qu'il soit pris à l'avenir toutes les précautions convenables pour que ces ballots ne soient pas divertis frauduleusement comme il est arrivé par le passé. Neuvièmement, que quant au commerce de la librairie d'Avignon, contre lequel on n'a point encore imaginé de moyens suffisants, il soit défendu de sortir aucun livre du comtat sans un acquit à caution pris aux fermes du roi, d'où il serait envoyé toutes les semaines au chancelier un état et catalogue des livres contenus dans les ballots, que ces acquis soient visés au bureau des noues pour être déchargés à Aix, après la visite des syndics et adjoints, ou au bureau de Tulette pour être déchargés à Valence par l'imprimeur des fermes assisté d'un premier commis, ou au bureau de Villeneuve pour être déchargés à Lyon ou à Montpellier, suivant leurs différentes destinations après la visite des syndics et adjoints, que tous les ballots qui arriveront d'Avignon dans le royaume par d'autres voies ou sans un acquit à caution, visé comme il est dit, soient saisissables par un inspecteur ambulant sur la frontière, préposé par le fermier commis à cet effet, et chargé d'envoyer au chancelier l'état de ces livres saisis pour recevoir les ordres du magistrat et les exécuter conformément au règlement. Que sur cet état, les syndics et adjoints de la communauté de Paris soient appelés pour, sur leurs observations, statuer ce que de raison, etc. Il me semble, monsieur, que ces demandes sont également fondées sur la justice, les lois et le bien public, et que le seul moyen d'arrêter la ruine entière de cette communauté et de rallumer quelque émulation dans des commerçants que décourage l'inutilité de leurs efforts et les pertes journalières qu'ils essuient dans des entreprises qui leur avaient été lucratives, et qui le redeviendront lorsque les règlements seront tenus en vigueur, et d'y faire droit, surtout si vous acquiescez à ce que je vais vous dire des permissions tacites.